Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fabien Hildwein et voici ma contribution au Frankencast sur le thème C'est quoi pour vous un jeu alternatif? Alors, pour répondre à cette question et tenter de donner du contenu à ce terme d'alternative ou d'alternatif, je vais dans un premier temps m'appuyer sur une conception des alternatives au capitalisme. En 1996 sort un ouvrage intitulé The End of Capitalism as We Knew It, c'est-à-dire La fin du capitalisme tel que nous le connaissions. Dans ce livre, une économiste et une géographe qui signent sous le nom commun de Gibson Graham développent une critique du capitalisme à partir des pensées queer. Ces pensées critiquent la norme hétérosexuelle et monogame, centrée sur le phallus et la pénétration, et sur des identités de genre binaires et rigides. Les pensées queer travaille à se distancier de cette norme centrale, hein, on le sait bien, de montrer qu'il peut exister bien des alternatives en termes de sexualité et d'identité de genre. Il s'agit en quelque sorte de construire de nouveaux imaginaires et de briser les catégories anciennes, voire de briser toutes les catégories, de s'en débarrasser. Gibson Graham transpose cette critique au capitalisme. Le capitalisme déploie en effet un immense effort pour faire croire qu'il est la seule solution, qu'il n'y aurait pas d'alternative, pour reprendre un mot de Margaret Thatcher. Donc, il cherche à faire croire que le travail salarié est le seul travail possible, que l'entreprise capitaliste est la seule organisation valable, que le marché serait le seul moyen efficace de répartir les ressources, que le but premier de la société est la croissance au service des actionnaires. Et ainsi de suite. Pour celles et ceux qui aimeraient creuser le sujet, je recommande chaudement L'homme unidimensionnel d'Herbert Marcuse, qui est un livre sorti en 1967 et qui a beaucoup influencé la pensée de mai 68. Et donc, Gibson Graham cherche à renouveler les imaginaires économiques et politiques, en rappelant qu'il existe une multitude d'autres formes organisationnelles tout aussi valables, y compris par exemple les coopératives, hein, qui sont des organisations démocratiques, ce que ne sont pas les entreprises capitalistes, en rappelant qu'il existe une multitude de moyens de répartir les ressources en dehors du marché, hein, y compris la démocratie. Par exemple, on pourrait décider collectivement de ce qui mérite d'être produit ou pas, et comment cela doit être produit, plutôt que de laisser des actionnaires prendre ces décisions. En rappelant qu'il existe une multitude de modes d'échange, c'est-à-dire de façons d'échanger, d'obtenir ou de transmettre des objets, y compris, par exemple, le don gratuit, et ainsi de suite. Donc, cette conception de l'alternative est à la fois simple et féconde, et j'aimerais expliquer maintenant ce qu'elle implique si on la transpose au jeu de rôle, toute chose égale par ailleurs. Je dis toutes choses égales par ailleurs parce que, bien entendu, les enjeux politiques et économiques ne sont pas les mêmes, qu'on parle dans un cas de sexualité, d'identité de genre, de démocratie, de mode de production, ou dans un autre cas d'un positionnement artistique et ludique. C'est pas la même chose. Donc, la conception de l'alternative de Gibson Graham, c'est simplement tout ce qui n'est pas la norme. Ça peut sembler évident ou tautologique, mais en fait, ça a des conséquences très larges. C'est d'abord une définition en négatif ou en creux de l'alternative. Cette définition ouvre en fait un immense espace à explorer. On définit un centre, ou plus exactement, il y a un centre qui cherche à s'imposer comme la seule vérité, et ensuite, on explore les définitions que l'on peut prendre ou que l'on veut prendre avec ce centre. En jeu de rôle, on a identifié depuis longtemps les formes de cette norme, les positions strictes de meneur de jeu et de joueur, le partage de narration qui les soutient, le meneur de jeu ce serait l'univers, les joueurs ce seraient les personnages, la structure de la partie à l'aide d'un scénario qui contraint les actions des personnages, la soumission à l'autorité du meneur de jeu en matière d'histoire et de règles. Les normes de genre assignées au rôle de meneur et de joueur, le refus de thèmes comme l'amour, la sexualité, la politique, la religion, le deuil, le refus de considérer les questions de sécurité émotionnelle, en termes éditorial, le livre grand format, couleur cartonnée, sa bordée de suppléments, j'en passe, c'est des meilleurs. Des créatrices et créateurs de jeux de rôle s'emploient depuis plus de 20 ans à explorer les distances que les jeux de rôle alternatifs peuvent prendre avec cette norme. Ensuite, deuxième conséquence de cette définition, cela veut dire qu'il devient impossible de se mettre d'accord sur une définition positive et achevée de l'alternative. Ce qui veut dire aussi impossible de dire ce n'est pas du jeu de rôle, phrase réactionnaire s'il en est. Chacun peut décrire sa pratique, peut légitimement décrire sa pratique, l'appeler du jeu de rôle et expliquer comment elle se distancie de la norme. Mais, et personne ne peut dire qu'il a la main sur LE jeu de rôle. Alors, attention quand même, ça c'est un point qui me semble essentiel, cette définition ne mène certainement pas à un relativisme mou où chacun aurait son petit pré carré et où il n'y aurait plus de débat ou de critique. Au contraire, cela ouvre des débats qui étaient jusqu'ici impossibles. Chacun peut prendre la défense de sa pratique, peut en faire valoir les forces et peut critiquer les pratiques des autres. Mais la porte est toujours ouverte pour inventer quelque chose de nouveau. Et au passage, cette vision-là de l'alternative, ça suppose que il faut avoir des modèles économiques qui permettent cette réinvention, qui évitent les gardiens du temple éditoriaux, et d'où l'importance de l'indépendance. Mais je ne développe pas ici, hein, j'en ai déjà largement parlé ailleurs. Donc, pour le dire autrement, c'est une définition qui interdit le consensus. Je ressens souvent cette envie, chez certains rôlistes, de faire consensus, de mettre tout le monde d'accord, de s'assurer qu'on est tous sur la même longueur d'onde, que ce soit par une définition absolue du jeu de rôle, ou que ce soit par un relativisme mou, comme je l'ai évoqué précédemment. Je pense que c'est profondément une posture délétère, parce qu'elle tue le débat, elle empêche le mouvement, et elle empêche l'évolution du jeu de rôle en tant que média. Enfin, dernière conséquence d'importance, c'est que l'alternative n'impose pas d'être alternatif. Elle ouvre simplement des portes. Elle ne force personne à prendre une distance avec la norme et rien n'empêche de reprendre des éléments de cette norme. Il n'y a aucune interdiction, par exemple, à chercher à rendre la pratique du jeu de rôle traditionnel plus satisfaisante ou plus fonctionnelle. Ce n'est pas une définition normative, c'est plutôt une définition pratique. Mais il importe en revanche de se rappeler que cette norme n'est pas le seul horizon possible et que nous aurons toujours de nouvelles pratiques à explorer. Merci de m'avoir écouté.